Chapitre 13. Pour en revenir au tailleur de pierre de Saint-Point, c'est peut-être l'œuvre capitale de Lamartine. Il y a mis en lumière toutes ses grandes qualités intellectuelles, toutes les phases de son génie. C'est un poème en prose et en même temps un traité complet de philosophie spiritualiste. Le cadre est des plus simples. Le poète rencontre dans son pays un pauvre ouvrier campagnard et le fait parler sur la nature et sur Dieu. C'est ce dialogue qui peut à bon droit passer pour la plus belle exposition philosophique dont on puisse trouver le modèle dans notre langue. Cette perle, d'ailleurs, est merveilleusement enchâssée et le poète lui a donné une admirable monture. Le théâtre de ce dialogue est placé dans un paysage charmant et que le pinceau de Lamartine a décrit avec une minutie qui défie toute analyse. Le soleil de midi, réverbéré par les prismes sablonneux des roches granitiques, y répandait des rayonnements et des tièdeurs rares à de si grandes hauteurs au-dessus des vallées. On y respirait le printemps. Une nuée d'insectes y flottait et y bourdonnait dans les rayons, qu'il rendait en quelque sorte palpable. Les plantes aussi y pullulaient au pied des roches. Les œillets rouges y prenaient racine et y flottaient comme des cerises entr'ouvertes par le bec des oiseaux. Les églantiers en tapissaient l'enceinte à profusion. Leurs jets, allongés et flexibles, y lançaient des milliers de paraboles végétales, à l'extrémité desquelles s'ouvrait une étoile de rose à cinq feuilles qui pleuvait sur le gazon. Tout près de là, Claude des Huttes dormait couché sur l'herbe. Claude des Huttes est le tailleur de pierre. C'est à lui et à lui seul qu'en réalité le poète va donner la parole. C'est lui qui va professer tout un cours de philosophie, qui va successivement affirmer l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la conscience, la distinction et la sanction du bien et du mal, la loi morale et le devoir, en un mot, toutes les grandes vérités de l'ordre naturel. C'est lui qui va les exposer avec une simplicité, une ardeur et un amour incomparables. Écoutez plutôt. Moi. Comment savez-vous qu'il existe un Dieu ? Lui. Ah, monsieur, d'abord, notre mère nous l'a bien dit. Et puis après, quand j'étais grand, j'ai bien connu de bonnes âmes qui m'ont conduit dans les maisons de prière, où l'on se rassemble pour l'adorer et le servir en commun, et pour écouter les paroles qu'il a chargé ses saints de révéler aux hommes en son nom. Mais quand même, ma mère ne m'aurait rien dit de lui, et quand même, je n'aurais jamais entendu les catéchismes enseignés dans toutes les paroisses en faisant mon tour de France. Est-ce qu'il n'y a pas un catéchisme dans tout ce qui nous entoure, qui enseigne aux yeux et à l'âme des plus ignorants? Est-ce que son nom a besoin des lettres de l'alphabet pour être lu? Est-ce que son idée n'entre pas dans nos yeux avec le premier rayon de lumière, dans notre cœur avec notre premier battement? Je ne sais pas comment sont faits les autres hommes, monsieur, mais quant à moi, je ne pourrais pas voir, je ne dis pas une étoile, mais seulement une fourmi, une feuille d'arbre, un grain de sable, sans lui dire « Qu'est-ce qui t'a fait ?» Moi. Et vous, vous répondez « C'est Dieu. » Lui. « Bien entendu, monsieur. Ça ne peut pas se faire soi-même. Car avant de faire une chose, il faut être, n'est-ce pas? Et avant d'être, ça n'était pas. Donc ça ne pouvait pas se faire. » Moi. « Comment savez-vous que Dieu est bon ?» Lui. « Parce que nous aimons ce qui est bon. Et que si Dieu n'était pas bon, nous ne pourrions pas nous empêcher de le haïr. » Or, je vous le demande un peu à vous, monsieur, qui paraissez bien mieux entendre ces choses-là que moi, qu'est-ce que ce serait une création où la créature ne pourrait pas s'empêcher de haïr son créateur? Ce serait un contresens. La créature aimerait par nature le bon, et le créateur, qui l'aurait faite pour remonter à lui et pour l'aimer, sera le mal. Vous voyez bien que c'est le monde renversé et les idées brouillées dans la tête. On ne s'y arrête pas seulement, excepté à un moment quand on souffre trop. Mais c'est un cri qui s'échappe des lèvres, et après lequel l'âme court bien vite pour le rattraper avant que Dieu ne l'ait entendu. Moi. Et pourquoi l'aimez-vous? Lui. Parce qu'il m'a créé. Moi. Mais cela ne lui a rien coûté. Lui. Cela lui a coûté une pensée du bon Dieu. Y avons-nous assez réfléchi? Quant à moi, j'y réfléchis souvent. Et je deviens fier comme un Dieu dans mon humilité, grand comme le monde. Dans ma petitesse, une pensée du bon Dieu, mais cela vaut autant que s'il m'avait donné tout l'univers. Car enfin, monsieur, bien que je sois peu de chose. Il a fallu d'abord, pour me créer, qu'il pensât à moi, qui n'existait pas encore, qu'il m'enfantât d'avance, qu'il me réservât mon petit espace, mon petit moment, mon petit poids, ma naissance, ma vie, ma mort, et je le sens, monsieur, mon immortalité. Quoi ? N'est-ce donc rien que cela, monsieur ? Avoir occupé la pensée de Dieu, et l'avoir occupé assez pour qu'il daignât me créer ? Ah, je vous le répète, rien que ça, monsieur, rien que ça, quand j'y pense, cela me fonde d'amour pour le bon Dieu. Il faudrait tout citer et je m'arrête. Je n'ignore pas, d'ailleurs, qu'il serait facile de signaler ça et là quelques traits faux, quelques arguments insuffisants dans cette démonstration, qu'il n'en demeure pas moins concluante et magnifique. Je préfère signaler à M. de Lamartine la vraie source de cette théodicée, si élevée qu'il place avant tant de raisons sur les lèvres de son paysan. Cette théodicée vient de la raison, je le veux bien, mais de la raison éclairée par le christianisme et agrandie par la révélation. C'est grâce à l'Église que le dernier des enfants du peuple devient un théologien devant lequel se serait tue la bouche d'or de Platon. L'auteur du Tailleur de pierre l'a senti, lorsqu'il a fait dire à son héros quelques mots qui servent d'introduction à tout cet exposé philosophique et qui n'ont pas été assez remarqués. D'abord, ma mère me l'a bien dit. Eh bien, la mère ici, c'est la tradition chrétienne, c'est l'enseignement de l'Église. Sans cet enseignement, M. de Lamartine eût été aussi incapable d'écrire son beau livre que son tailleur de pierre lui-même eût été incapable d'avoir une foi si éclairée et de s'écrier, quand son interlocuteur s'étonne qu'il puisse aimer tous les hommes et tous les êtres de la création, « Ah, j'en aimerais bien d'autres, si j'en connaissais davantage !»